En Corée du Sud, les membres de l'Action nationale d'urgence pour le retrait du pouvoir de Park Geun-hye ont livré le 21 aux environs du Grand Parquet de Séoul un meeting pour la détention de Park Geun-hye. Par ailleurs, le même jour, les journaux internet sud-coréens La Voix du Peuple et Le Quotidien de la Nation ont présenté respectivement l'éditorial titré « La détention de Park Geun-hye et l'enquête est l'ordre du peuple » et l'éditorial réclamant la démission immédiate du Premier ministre Fang Yeo-han, valet de Park Geun-hye.